conférence du mercredi soir. Qu'est-ce qu'une véritable conscience supramentale? Quelqu'un devrait nous répondre. Il y a trois questions là-dedans. Qu'est-ce qu'une véritable conscience supramentale? Est-ce qu'il y a des fausses consciences supramentales? Oui. L'autre question. OK, l'autre question. Qu'est-ce qu'une conscience supramentale? Avant de savoir si c'est une véritable ou une fausse, qu'est-ce que c'est une conscience supramentale? Une vraie. Bon, premièrement, vrai, c'est déjà un mot qui est dangereux. Vrai, ça se rapporte à vérité, véracité. La vérité, c'est émotif. La véracité, c'est un peu plus cartésien. Ce n'est pas encore de la réalité. Et qu'est-ce que la conscience supramentale? La conscience, c'est la faculté qu'a un humain de pouvoir analyser différents stimuli en même temps. Et c'est aussi la profondeur de chacune des analyses. Et finalement, la conscience, c'est la quantité de stimuli qu'on peut analyser, ainsi que la profondeur des analyses en même temps. Est-ce que la profondeur des analyses est directement liée à la qualité des analyses? C'est la même chose. C'est directement relié. Maintenant, un individu peut avoir capable d'analyser un seul stimulus. Il peut l'analyser profondément. On appelle ça de concentré. Celui qui est concentré a une conscience extrêmement animale. Il a une conscience qui n'est pas une conscience intelligente et ce n'est pas non plus une conscience qui peut permettre une réelle évolution. La concentration, c'est être attentif sur une seule chose, c'est de limiter tout notre potentiel sur une seule et unique chose. La concentration fait partie des voies d'évolution. La concentration fait donc partie de tout ce qui a été enseigné à l'humain depuis que l'humain a de l'enseignement, style théologique, spirituel, des enseignements traditionnels, ésotériques ou occultes. On enseigne toujours à développer sa concentration, c'est-à-dire on enseigne à l'humain à se concentrer sur son Walkman. Mais c'est pas justement ce qui fait la profondeur de l'analyse, la concentration? Non. La concentration ne fait pas la profondeur de l'analyse. La concentration fait en sorte que tout ce qui peut servir, tous les tentacules, tous les senseurs de l'humain sont braqués sur une seule chose. Exactement comme si, pour te concentrer dans ta lecture, tu devrais avoir ton système visuel qui lit un livre. En même temps, on aurait dû enregistrer le livre et te placer des écouteurs pour que tu puisses écouter ce que tu lis au fur et à mesure que tu le lis. On devrait même te faire sentir les mots. Alors, on pourrait dire, là, il est concentré dans sa lecture. Par contre, quelqu'un qui est concentré dans sa lecture, vu qu'il ne peut pas écouter ce qu'il lit, il devra s'arranger pour ne plus écouter l'extérieur. Donc, il n'a plus d'oreilles, il n'a plus de nez, il n'a plus de toucher, il n'a plus rien d'autre que ses yeux. Là, on dit, il est concentré. Et pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, on vénère la concentration, on vénère les individus qui sont capables de se concentrer. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une anecdote assez intéressante, c'est passé, il n'y a pas tellement longtemps, c'était aux Indes, et il y a un grand Vishou de la place, qui est un grand roi, et il se promenait à la recherche d'un maître spirituel, et puis partout où il allait, les individus se mettaient à plat ventre, le saluaient, etc. Alors, il déambulait avec ses éléphants à travers les rues d'une des villes de l'époque. Et à un moment donné, il y a un bonhomme qui est assis en position du tailleur, qui est une position qu'on se sert un peu dans le yoga, parce que les tailleurs, ce soit comme ça, position de l'Indien, comme on l'a ici. Et il est en train de coudre. Un vieux monsieur des lorgnons. Et puis quand tout le défilé est passé en avant, bien évidemment, les soldats et puis toute la cour a été extrêmement offusqués de voir qu'il y avait un individu dans toute la capitale qui n'avait pas salué le roi. Et le roi, on l'a amené devant le roi, puis on voulait lui trancher la tête. Et puis le roi a dit, non, je ne veux pas qu'on lui tranche la tête, je veux que cet individu devienne mon maître spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a une concentration tellement fabuleuse que même tout mon cortège n'a pas réussi à le déconcentrer de son travail. Ça, c'est vénérer la connerie. Mais c'est pas plutôt de l'indifférence? Ben, c'est ça. Mais s'il serait influent, c'est de la totale indifférence, mais à l'époque, ça n'existait pas. Alors, sauf que le grand roi vénérait la connerie. Et toutes les écoles traditionnelles, même les écoles conventionnelles, on enseigne aux jeunes, on enseigne aux individus à se concentrer. La concentration est totalement à l'antipode de ce qu'on peut appeler la conscience. L'individu qui est capable d'analyser un seul stimuli, qui l'analyse en profondeur, soit qu'il n'a qu'un seul senseur, donc nécessairement il ne peut conscientiser qu'une seule chose à la fois, soit qu'il braque tous ses sens dans une seule direction, ce qui fait en sorte que l'individu devient totalement l'esclave dans l'inconscient du reste de l'univers. Si je me fais attaquer, je pratique les arts martiaux, il y a quatre ennemis qui m'attaquent, je me concentre uniquement sur un ennemi. Est-ce que tu trouves ça intelligent? Non, pas vraiment. C'est ce qui arrive dans la vie, c'est ce qu'on montre aux enfants, c'est ce qu'on montre aux adultes, c'est ce qu'on montre à tous ceux qui ont voulu évoluer, c'est que il y a énormément de dangers, énormément de portes, parce qu'un individu ne rentre pas, disons, au ciel par une porte. Il va rentrer, en réalité, il traverse le ciel par plusieurs portes. Parce qu'il y a le corps, il y a le corps vital, il y a le corps astral, il y a le corps mental, il y a le phénomène supramental, et à travers ces corps-là, il y a d'autres paliers. L'individu ne peut pas évoluer dans la conscience supramentale d'une façon corporelle. Le corps doit suivre un chemin qui, parallèlement à l'évolution supramentale, permet à l'individu global de traverser certains contextes au niveau de l'évolution des mondes créés. Par contre, là, si justement, prenons encore l'exemple des arts martiaux, la concentration, je me concentre uniquement sur un individu et je peux analyser totalement ce qu'il veut faire. Pendant ce temps-là, il y en a trois qui me sautent dessus et qui me donnent une raclée. L'individu qui, à un moment donné, dans le snobisme astral de l'évolution, c'est-à-dire l'individu qui essaie d'avoir une conscience concentrative plus grande, c'est la fausse conscience. Cet individu-là aura une conscience concentrative localisée, mais il aura maintenant développé chez lui une mémoire d'intervention, de programmation, qui va lui permettre de se concentrer sur une chose pendant un laps de temps relativement court, de conserver en mémoire une mémoire très arrière, donc dans la mémoire d'intervention, ce qu'il vient de lire, de changer, de se concentrer sur une autre chose, de revenir. Donc, on revient encore avec l'idée de l'art martial. L'individu se concentre sur un des agresseurs, il le lâche. Il se concentre immédiatement sur l'autre, il le lâche. Il se concentre immédiatement sur l'autre, il le lâche. Il a reçu un coup derrière la tête. Il se concentre sur le dernier, il le lâche. Il revient sur le premier pour peut-être bloquer un coup de pied. Il va répliquer, il se concentre sur un autre. Bon, il a une routine. Ce n'est pas de la conscience, par contre, c'est de l'illusion de conscience. L'individu devient plus efficace parce qu'il a une concentration rotative, alternative. Mais tu peux te concentrer sur une chose ou sur un des attaquants puis être quand même conscient de tous les autres. Non, tu n'es pas concentré sur un des attaquants. Mais quand tu lis un bon livre, ça existe, il y en a encore quelques-uns. Tu lis un bon livre, tu entends quand même les enfants qui jouent, tu entends la télévision, tu entends, tu n'écoutes pas, mais tu entends. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il doit attirer ton attention, ça attire ton attention. Parce que tu n'étais pas concentré. C'est pas de la concentration. Non, tu n'étais pas centré sur le con. Non. Ben c'est la vraie concentration, pas la vraie, on va enlever le mot vrai. La concentration dont tu parles, comme le bonhomme qui était assis en Inde, lui n'aurait pas entendu. Ben lui, il n'aurait rien entendu partout. Tu n'aurais pas arrivé en arrière, le tuer, il ne s'en serait même pas rendu compte. Ah bon? Bon. L'individu qui a une concentration rotative, c'est celui qui va être capable de travailler, par exemple, à son emploi pendant un laps de temps de la journée. Et quand ses enfants téléphonent, sa femme ou son mari, quand il y a des problèmes familiaux, il n'arrive absolument pas à rien régler. Lui, ils en vont carrément promener. Quand il arrive chez lui, là, sa concentration elle est rotative, donc alternative, elle change. Et là, il devient un père de famille qui peut fonctionner. Maintenant, le moment qu'il va arriver quelque chose qui brille chez lui ou qui va se passer quelque chose, il n'est pas capable de rentrer dans une alternative de mémoire qui va lui permettre de prendre les choses en main. C'est plus un patron. Il y a des individus, la majorité des individus sur la planète Terre, ceux qui ont une concentration qui leur permet de devenir efficaces, soit qu'ils sont placés dans un monastère, c'est-à-dire que tu es concentré sur une chose, puis on s'est arrangé pour que l'univers se résume à cette chose-là. Bon, alors un professeur, par exemple, un chercheur en chimie qui couche dans son laboratoire, qui ne vit que dans son laboratoire, il est concentré dans ses fioles, nécessairement, lui, il n'y a apparemment pas de problème, on va dire, c'est un génie. C'est pas un génie. Prends-les par un cheveu, mets-les dehors, puis tu te rends compte immédiatement que c'est pas un génie. Le guidame de la rue est peut-être plus efficace que lui. Il était concentré, comme je le dis souvent, l'exemple des monastères, c'est très bon. Dans les monastères, on rencontre de l'ordre, on rencontre la paix, on rencontre l'évolution, on rencontre la compréhension, on rencontre bien souvent la richesse, parce que c'est pas de la richesse financière, mais il n'y a pas de pauvreté dans un monastère. Et on a l'impression que c'est réellement la solution, c'est la vie, c'est parfait. Il y a plusieurs personnes qui visitent un monastère, quand ils sortent de là, ils n'en reviennent pas tellement, c'est génial. Oui, ôte les murs du monastère, puis regarde-les maintenant aller. Une fourmilière que tu viens d'ouvrir, il n'y a plus un qui sait quoi faire, c'est le bordel total. C'est pas des humains évolués, c'est un semblant, c'est un jeu de l'astral, c'est une fausse conscience. Vous dites que la spécialisation serait c'est très dangereux. C'est à l'inverse de l'évolution. La spécialisation, c'est proportionnel à l'évolution du collectivisme. Plus un individu se spécialise, plus il devient dépendant des autres. Si je suis moi médecin, spécialisé uniquement dans un point de suture fait de telle façon, ben la journée que je dois travailler quelque chose, puis on a besoin d'un autre point de suture, ben je vais faire venir l'autre spécialiste. C'est ce qui arrive aujourd'hui d'ailleurs. Finalement, quand tu rencontres un médecin pilule, qu'on appelle un généraliste, bien souvent il ne connaît plus rien du tout, parce que les spécialités ont carrément dépassé ce qu'il faisait. encore là, prescrire une aspirine peut-être pour un rhume, puis c'est déjà, ça ne fonctionne déjà pas. Mais l'individu qui se généralise aujourd'hui est un individu qui bien souvent n'apprend rien de réellement fonctionnel. Et l'individu qui se spécialise est un individu qui perd totalement la possibilité de devenir un être autonome, c'est-à-dire un être qui serait son seul maître. On ne doit pas se spécialiser. On doit être des spécialistes dans tout. Mais est-ce qu'on peut, sans se spécialiser, être un spécialiste dans tout? Bien, nécessairement, tu es spécialisé dans tout. Exactement comme... Bon, moi, j'ai un autre mot pour que concentration, c'est attention. Et l'attention est déjà une conscience. L'attention supramentale, la véritable conscience supramentale, on va y revenir. L'individu qui est attentif est un individu qui est concentré sur l'univers, surtout. L'individu qui est concentré est un individu qui est attentif sur une seule chose. On ne doit pas être attentif sur une chose, être concentré. On doit être concentré sur tout, donc être attentif. L'individu qui se spécialise dans tout, nécessairement, n'est plus un spécialiste dans le sens conventionnel du mot, c'est-à-dire un individu qui ne connaît qu'une chose comme il faut, puis qui connaît d'autres choses très mal. Bon, une personne devrait être capable d'enseigner, un professeur de cégep, d'université, de secondaire ou d'élémentaire, devrait être capable d'enseigner la géographie autant que l'histoire, autant que la chimie, autant que etc. C'est évident que l'individu ne doit pas aller chercher de l'information qui ne lui servira pas. Ce que je veux dire, moi, c'est que ton grille-pain brille chez toi, tu peux le réparer. C'est pas parce que tu es comptable que tu ne répares pas un grille-pain. C'est pas parce que tu es comptable que tu ne peux pas changer tes freins sur ton automobile ou carrément refaire ta mécanique. C'est pas parce que tu es comptable que tu ne peux pas enlever un écharpe dans le dos de ton enfant. C'est pas parce que tu es comptable que tu ne peux pas repeindre ta maison ou simplement sortir en cas d'incendie. La spécialité, c'est ça. Aujourd'hui, c'est spécialisé, c'est génial. Vous vous faites attaquer, fiez-vous policiers, s'ils viennent. La maison brûle, fiez-vous pompiers, ben, s'ils arrivent à temps. Et c'est continuellement comme ça. C'est ce qu'on appelle la spécialité. Quand j'étais jeune, je faisais un spectacle, à un moment donné, pour une école, et puis on posait la question, « Avez-vous une assurance pour les incendies? » On disait oui. Alors, quelle compagnie? Les pompiers. C'était notre assurance. Incendie, c'est les pompiers. S'il devait arriver à la table. Bon. Et l'individu, on est tellement spécialisé, finalement, qu'on ne sait plus se défendre contre les agressions de l'hiver. Tomber en panne, avoir une automobile qui tombe en panne en plein hiver, quelque part où c'est compliqué. L'individu, c'est pour quoi faire? Mais toute la mécanique, l'évolution de l'électronique, etc., fait en sorte qu'à un certain point, si on avait une bagnole 1982, on était capable de la réparer, de mettre un peu d'essence, un carburateur, de faire partir des choses comme ça. Aujourd'hui, avec les injecteurs, les allumages électroniques, tu ne peux plus te débrouiller aussi facilement qu'on pouvait se débrouiller par le passé. C'est ce que ton grand-père, sans doute, a dit quand il a dit, tu sais, avant, on avait des chevaux, là, on donnait du foin, etc. Là, maintenant, avec les nouvelles autos, où il faut mettre la main sur le carburateur, puis en espérant qu'il n'y aura pas un retour de flamme qui te met le feu à la main, et puis il faut mettre un peu d'essence, de l'huile, puis vérifier la pression des pneus. Là, tu sais, minute, là, on peut pas, il faut des fois des mécaniciens, ouais. Ben non, des petits-enfants, qui eux autres, ils portent l'automobile, puis connaissent ça, ils font des moteurs, ils s'en montrent, font de la course, ils se tuent même avec. Lui, avec les chevaux, connaissait ça. Il n'y a pas de problème. C'est comme celui qui avant disait, on avait des femmes. L'informatique, si on peut être capable de tripoter, de travailler un peu avec un ordinateur, mais de là, si on a un problème sérieux dans un logiciel ou on a quand même recours à des spécialistes. On a quand même besoin de spécialistes. Tu as recours à un spécialiste. Ce n'est pas celui qui a recours à un spécialiste qui est le problème. C'est le spécialiste. Moi, je travaille sur plusieurs choses. Bon, et c'est d'ailleurs un problème que tu connais aussi, toi, sans doute, c'est que si tu t'impliques dans un groupe, vu que tu peux tout faire, finalement, tu fais tout. Et il faut s'arranger pour déléguer, pour ne pas être essentiel partout, parce que finalement, les individus te laissent aller. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si tu t'occupes d'un paquet de choses, à un moment donné, tu n'as pas le temps d'aller chercher l'information que tu as besoin et tu peux faire affaire à un spécialiste. Par contre, moi, si je suis mal pris, que je te téléphone, tu n'es pas un spécialiste. Ça ne t'empêche pas de connaître la solution à mon problème. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas non plus une personne qui est ouverte à n'importe quoi. Je t'appelle comme professeur, pas comme sauveur. Tu n'es pas un spécialiste. Si je me vais voir un médecin à un moment donné pour un problème, quand je vais sortir de là, je vais en connaître autant sur le problème que le médecin. Tandis que l'individu qui lui fait affaire à des spécialistes, quand il sort de là, il n'en sait pas plus. Il sait qu'il doit passer à la pharmacie chercher ça. Il n'y a pas de compendium des produits pharmaceutiques. Il n'y a pas de mandat, il ne demandera même pas au pharmacien. Des fois, il demande au médecin. Le médecin n'est même pas sûr s'il sait pourquoi. Mais l'individu ne veut rien savoir. Tu vas voir le garagiste. Le garagiste te dit, vos freins sont finis, ils ont dû être changés. Et la personne ne dit pas, ah bon, est-ce que je peux voir? Comment vous faites pour savoir qu'ils ont dû être changés? Bon. Moi, j'ai fait ça à un moment donné, puis le gars, il rentre son crayon, il y a une petite plaquette de métal qui frappe le disque, qui crie à un moment donné. Il rentre son crayon, puis il passe la moitié du crayon, la pointe dedans. Il dit, voyez, dans pas grand temps, ça va toucher. Crime. Bon, un frein neuf, tu passes le crayon, puis mon frein, il est fini à la moitié du crayon qui passe. Alors, j'ai dit, ben, je vais attendre un peu. Un an et demi après, il y en a un qui a commencé à crier, puis je les ai changés. Puis les freins en avant sont encore très bons pour une autre année, mais vu que j'avais une plaquette. Voyez-vous, 850$ pour changer 4 freins, ça m'a coûté 60$. Mais je ne suis pas spécialiste des freins. Mais autant que le gars, au moins. Hein? C'est simple. Tu n'as pas besoin d'être... C'est pas celui qui fait affaire que le spécialiste qui est le problème. C'est celui qui ne veut pas savoir. Mais ce qui donne l'habilité à être un bon généraliste, je dirais que si on n'est pas spécialiste dans rien, on peut être un généraliste... Spécialiste dans tout. Spécialiste dans tout, mais je n'appelle pas ça spécialiste, moi, quand t'en sais un peu. Parce que c'est... Assez les... pour te dépanner. Non, c'est les imbéciles, ça. Regarde bien. Je suis un imbécile de l'avoir. Non, c'est que tu te fies à ce que d'autres... Non, c'est que tu communiques la pensée de d'autres. Un spécialiste dans tout, c'est pas celui qui peut régler tous les problèmes sur la planète. C'est celui qui règle tous ses problèmes à lui. Et il te manque un élément, c'est normal, les choses avancent et tu vas chercher l'information. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un nouveau médicament sur la planète que le spécialiste en médicaments, il n'est plus spécialiste partout, il y a un médicament qu'il ne connaît pas. Mais non, il va aller chercher le spécialiste du médicament. Mais peut-être que le spécialiste du médicament, c'est aussi un spécialiste dans tout, ça se peut. Mais lui, il manque un élément, il va aller chercher, il n'y a aucun problème là. Sauf qu'il va chercher l'élément parce qu'il en a besoin. Et tant qu'il n'a pas besoin, qu'est-ce qu'il a à foutre d'aller chercher l'élément? Mais s'il en a besoin à un moment donné, là, il doit commencer à savoir. La conscience, c'est pareil. La journée que l'humain se pose la question, c'est quoi la vie, puis qu'il va voir un prêtre, franchement, il est à côté de la traque complètement. Sauf s'il va voir le prêtre dans le but d'acquérir sa méthode de conscientisation, pas d'acquérir l'information que lui a, d'acquérir la capacité que le prêtre a de répondre. Il rencontre un prêtre, il se rend compte que le prêtre, sa capacité de répondre à des questions fabuleuses sur la création, c'est de lire la Bible. Là, il se dit, c'est pas ça que j'ai besoin. Parce que lire la Bible, c'est de faire référence à un spécialiste, puis nous, on n'en est pas un spécialiste. Tu es le spécialiste du spécialiste. C'est pas ça qu'on veut, spécialiste de la Bible. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas de la conscience, ça. Ça, c'est de la mémoire. Ça, c'est de la concentration. Prenons l'exemple de certains témoins de personnages qui, eux, ne sont spécialistes que d'une chose, la Bible. C'est-à-dire qu'ils sont concentrés uniquement sur un phénomène. Donc, si un jour, tu leur amènes un nouveau livre écrit par Dieu, par Jéhovah, par exemple, jamais ils ne pourront le lire. Les autres, ils sont spécialistes du vieux livre de la Bible. Ce sont des spécialistes, donc des concentratifs. Et le concentratif est totalement à côté du chemin de l'évolution vers la conscience. Il va finir par y arriver. Il n'est pas à côté du chemin, mais il est loin encore de la conscience réelle. Mais ça, c'est juste d'être borné, tout simplement. C'est pas d'être borné, c'est d'être bornable. Bornable. Oui. Le problème qu'il y a, c'est que l'être humain est conçu de façon à se faire ramasser. Et bien souvent, quand on dit borné, c'est une insulte. S'il est bornable, on dit c'est pas de sa faute. Comme on disait à un moment donné, oui, mais c'est parce que l'individu est niaiseux. Non, l'individu est niaisable. Il n'est pas niaiseux, il est niaisable. C'est pas pareil. Alors, j'ai un ego qui est encore niaisable, j'ai un ego qui est encore niaisable, les égos sont tous niaisables. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un ego est niaiseux? Pas dans le sens piquant où on l'emploie régulièrement. Il est niaisable. C'est-à-dire que, de toute façon, ça, il est bâti comme ça. Il est contrôlable, il est manipulable, il est niaisable, il est donc bornable. Mais il n'est pas borné. Ce n'est pas une décision de sa part de dire « moi, je suis borné ». C'est qu'il n'a pas le choix. Est-ce que ceux qui sont bornables et concentrés comme ça n'ont pas accès à la conscience supplémentaire? Ils n'ont accès qu'à de la conscience prédigérée. Ils n'ont pas accès à de la conscience réelle. Autrement dit, la majorité des humains de cette planète qui sont spirituels, qui ont une conscience émotive, une conscience concentrative, c'est-à-dire une conscience fuyante. Une conscience qui fait dire que maintenant j'ai trouvé la voie. Et son ami lui dit un jour, « Bon, ben je m'en vais voir, moi, Anubis Shinuda. C'est un pharaon réincarné. » Bon, j'ai pas dit pharaon, le réincarné. Pharaon. Et je lui dis à mon ami, « Bien, viens, je vais voir Anubis. » Et puis, il parle de ceci, de cela. Il parle du Muladhara Chakra, puis il touche, puis tout, puis il te réveille ça. Et mon ami, qui a trouvé la voie, il dit, « Ah, non, moi, je suis plus loin de ça. Moi, c'est là que je vais. » C'est ça le problème. Ça, ce n'est pas évolutif. Parce que tu es concentratif, à un moment donné, quand ça devient extrêmement pathologiquement dangereux, on appelle ça la foi aveugle. Parce que la foi te rend aveugle. Bon. Maintenant, l'individu qui, justement, qui est dans les Krishna et qui ne peut plus aller nulle part ailleurs, l'individu qui me suit, par exemple, et qui ne peut aller nulle part ailleurs, c'est un individu qui devient concentratif. Il ne développera jamais de conscience supramentale. La conscience supramentale ne se développe pas lorsqu'un individu frappe à toutes les portes tous les 6 mois. C'est lorsqu'un individu est capable de cheminer dans n'importe quel domaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité par une seule forme d'expression de l'intelligence. Il va chez les Krishna et il va découvrir des mécaniques. Il peut apprendre comment que l'astral manipule, il peut apprendre plusieurs choses. Pas nécessairement de la bouche même d'un disciple, comme il peut en apprendre aussi de la bouche d'un disciple, parce que le disciple de Krishna est, avant d'être disciple de Krishna, un véhicule animal qui est habité par une âme et qui vouait de la conscientisation un jour ou l'autre. Donc, nécessairement, et avant d'être disciple de Krishna, c'est un humain. Il peut donc apprendre de celui-là. Pourquoi? Parce que là, le mécanisme de Krishna, interprété par la conscience de celui-ci, qui est peut-être un ajusteur de pensée qui commence à chatouiller, va amener une information intelligente. L'individu qui a la capacité d'entrer dans n'importe quel organisme, ça ne veut pas dire que tu commences du jour au lendemain à magasiner. Moi, je ne me promène pas partout parce que j'en ai pas besoin. Mais quand je rencontre un individu qui fait partie de n'importe quelle organisation, je peux discuter avec. Il ne me colorera pas. Et pas parce que je ne le veux pas, parce que je ne suis pas colorable. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a d'intelligent dans son discours fait partie de mon intelligence. Tout ce qu'il n'y a pas d'intelligent dans son discours fait partie de l'intelligence de l'astral, c'est-à-dire de la copie conforme de l'intelligence dans la mémoire de l'expérience de la planète. Et ça ne me colore pas. Pourquoi? Parce que j'en comprends la mécanique. Je ne suis donc pas concentratif. Je ne suis pas concentré sur mon nombril. Je ne suis pas concentré sur quoi que ce soit. Si tu veux me dire, par exemple, tu me poserais la question, est-ce que tel évangéliste, c'est pas ça les preachers quand on parle mal de français, et est-ce qu'il nuit? Est-ce que tel évangéliste, tel preacher nuit? Non, ils aident tous, justement. Et il y a toute une explication intelligente qui est facile à donner pour prouver qu'effectivement, ils aident l'évolution. Dans un certain contexte, ils nuisent. En réalité, ils nuisent dans l'ego. Ils aident l'humanité. À un moment donné, l'humanité sera suffisamment évoluée pour apprendre à se passer d'eux. Mais ils sont extrêmement utiles. Ils font un travail que je ne peux pas faire. Il ne faut pas être raciste de l'évolution. On doit être raciste dans l'instantanéité. Un individu qui n'a pas la capacité de comprendre, tu ne dois pas perdre de l'énergie, on appelle ça du temps ici, à lui expliquer. Dans 2 semaines, dans 2 ans, dans 2 années, dans 200 ans ou dans 2000 ans, il sera apte à comprendre et il n'aura même pas besoin de ton explication. L'individu qui concentre son cheminement uniquement dans une voie. Il faut faire attention. C'est sûr que si tu vas, par exemple, dans une école, et dans cette école-là, on te montre tous les voies, tu n'es pas concentré dans une école. C'est un chemin qui t'amène à tous les chemins. Mais l'individu qui va dans une école, et dans cette école, on lui dit de faire attention aux autres écoles. Et quand je parle d'école, je parle de n'importe quoi. Ça peut être une religion, faire attention à l'extérieur, ça peut être dans une forme de conscientisation, faire attention. Vous allez dans une école de yoga où on vous dit, ici on enseigne le Hatha Yoga convenablement, mais telle autre école là-bas, c'est pas le vrai Hatha Yoga. Mais cette école-là, vous pouvez rester. Mais vous devez savoir que déjà vous êtes supérieur à elle. Parce que peut-être qu'ailleurs, on n'enseigne pas le vrai Hatha Yoga. Peut-être qu'on enseigne le Hatha Yoga que vous devriez suivre. L'individu doit être totalement ouvert. La conscience supramentale est une conscience qui est planétaire au minimum. C'est une conscience galactique. Une conscience qui est galactique, qui englobe donc le contexte planétaire, est une conscience qui ne peut pas rejeter des parties de la planète. Ça ne fait pas partie de sa constitution. La conscience supramentale est une conscience qui intègre et qui inclut. C'est une conscience qui digère. Qui digère, donc qui transforme, qui métabolise de nouvelles informations. La majorité de l'humanité étant dirigée par des mécanismes astrales, des mécanismes qui servent l'évolution et qui, veut pas, travaillant contre eux-mêmes, servent finalement l'évolution, mais cela engendre une évolution inconsciente de la part de l'animal humain et une évolution évolutive extrêmement souffrante. Celui-ci n'a pas accès à de la conscience supramentale telle qu'elle. Pourquoi? Parce qu'il est tellement investi de forme, tellement investi de croyances, tellement investi de mémoire, qu'à chaque fois qu'on amène de la réalité chez lui, ça détruit sa mémoire. Détruisant sa mémoire, ça détruit 99% de ce qu'il constitue. Le corps physique saute, il ne reste plus rien. On doit donc amener de la conscience prédigérée à ces humains-là, c'est-à-dire 99% des habitants de votre planète. On doit amener de la conscience prédigérée. De la conscience prédigérée veut dire de la conscience qui est passée par l'intermédiaire d'un ajusteur de pensée humain, passée par l'intermédiaire d'un être humain qui ne peut pas l'appliquer. Et une fois passée par l'intermédiaire d'un humain qui ne peut pas l'appliquer, elle sera transformée en colère, en écœurement, en snobisme, en sécrétion, et elle ira nourrir le monde de la mort, le ciel. Nourrissant le monde de la mort, le ciel, elle va nourrir les dieux. Nourrissant les dieux, ou les concepts extraterrestres, etc., nourrissant les dieux, elle va maintenant nourrir tous les humains qui sont connectés à ces dieux-là. Les individus, le, disons, 0,8% des individus de la conscientisation supramentale, les conscientisables, vont devenir ce que j'appelle souvent des martyrs de la transition supramentale de façon globale. Ce sont des êtres humains qui auront de l'information et qui ne pourront jamais rien faire avec, du moins pas pour l'instant. Leur rôle planétaire est de recevoir de l'information, de ne pas l'utiliser, de souffrir avec, c'est une souffrance qui est mentale, qui n'est pas nécessairement psychologique, mais des fois elle est émotive et psychologique, et cette souffrance crée une prédigestion de la conscience supramentale, et elle est placée dans le monde de la mort sous forme d'égrégore supramental astralisé, et là, les divinités ainsi que beaucoup d'humains spirituels ont accès à ce réservoir et vont être capables d'appliquer émotivement, spirituellement, théologiquement de l'intelligence, alors que les dieux ne sont pas intelligents. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait souffrance mentale pour prédigérer cette conscience-là? Ou ça pourrait se faire sans souffrance? Non, ça se fait avec de la souffrance parce que l'être humain... Regardons ceci. L'être humain, sur le plan planétaire, ne peut accepter de l'information neuve si elle ne provient pas de la souffrance. L'être humain n'est pas capable d'accepter du neuf si ça ne provient pas de la souffrance. Ben là, je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas d'accord, pareil. C'est un fait. Quand je donne des conférences sur l'enfant Teflon, les questions qu'on me pose, premièrement, êtes-vous psychologue, êtes-vous ceci, êtes-vous cela? Parce que si j'ai un diplôme, ce que je dis a de l'allure, si j'en ai pas, ce que je dis n'a peut-être pas d'allure. Parce que l'humain, ça fonctionne avec des papiers. J'outrepasse, je suis capable de surpasser ce genre d'inhibition chez l'humain, sans qu'elle s'en rende compte, je ne réponds pas à sa question, et il est satisfait. Mais là, maintenant, il arrive avec la deuxième question. Oui, mais pour parler, par exemple, de ceci, de cela, de l'amour intelligent, comme vous parlez, vous avez dû souffrir en maudit quand vous étiez jeune. Si j'ai souffert, ils vont accepter. Si je leur dis non, moi j'ai eu une enfance qui était extrêmement bien, ça c'est parfait. J'avais le chalet dans le bois, j'aimais le bois, j'y allais, j'avais mon laboratoire dans mon sous-sol, c'était parfait. J'avais des bons amis, j'ai fait des voyages, mes parents, ça allait très bien. Non, j'ai dû manquer d'amour quelque part, j'ai dû souffrir quelque part. Ouais, tu vois, ben c'était la preuve vivante que j'ai raison. Non, l'humain ne peut accepter le neuf si ça ne provient pas de la souffrance. Oui, mais tu as eu du neuf pareil sans souffrir. Oui, mais moi je suis pas un humain, comme les humains sont les humains. Ah, ben oui, mais là... Oui, moi je te dis bien, la majorité des habitants de la planète, la majorité. Il y a des exceptions, même dans les exceptions, parmi les exceptions. La majorité des habitants ne peuvent accepter quelque chose de neuf, donc ceux qui ne peuvent pas prendre de la conscience supramentale pure doivent la prendre prédigérée, elle doit venir par la souffrance. Cela veut dire que ceux qui devront prédigérer devront souffrir parce que leur souffrance va devenir ce qui va camoufler l'intelligence et là les individus vont pouvoir la gober. Est-ce que c'est parce qu'ils vont gober ça avec de l'émotion que ça va faire en sorte que... Exactement, et l'émotion que l'humain aime le plus, c'est la souffrance. Pourquoi? Parce qu'à travers l'évolution, historiquement, archétypalement, égrégorement, réincarnationnellement, l'individu humain n'a avancé qu'avec la souffrance. Lorsqu'il crevait de faim, il a inventé l'agriculture. Lorsqu'il crevait de faim, il a inventé l'élevage. Lorsqu'il crevait de faim, il a inventé la guerre. Lorsqu'il crevait... Ouais, ben, c'est ça. Toujours par la souffrance. Toujours par la souffrance. Le confort, le ceci, le cela. Présentement, on pollue, donc on commence à souffrir, donc on veut des... Toujours par la souffrance. Donc, nécessairement, l'humain n'est pas... L'humain ne peut pas faire confiance à un être, à un autre, qui aurait évolué sans souffrir. Non, moi, ça a été le bonheur total, ça a été très, très bien, je n'ai jamais eu de souffrance, je n'ai jamais eu de gros accidents. Et là, on va enquêter sur ton sort. Oui, mais il y a eu un temps, un jour, où on t'a volé un pitou. Et puis, ça a dû créer un choc chez toi qui fait que maintenant, tu vois le monde différemment. Tu sais, j'ai dû souffrir quelque part, évidemment. Non, on m'a volé mon pitou. Pitou. Je ne fais même pas avec, je me sens tout du lit. Bon, je m'en servais pour tenir mes livres, mais je n'ai pas souffert. Ah, c'était inconscient! Ah, il faut être souffert quelque part. Parce que l'humanité au complet, j'ai travaillé présentement avec des psychologues. Les psychologues ne peuvent comprendre qu'un être humain soit différent sans être passé par la souffrance. Non, mais tes cheveux sont tombés comment si tu n'as pas souffert? Ça, c'est les autres qui me les ont arrachés. Après, c'est arraché toutes les leurs. Il leur manquait de cheveux. Alors, ils m'ont arraché les miens. Est-ce qu'en parlant d'inconscient... Parce que j'ai déjà posé la question pourquoi je perdais tant de cheveux. Parce que t'en avais? Non, c'est parce que mon père n'en perd pas. Ah bon? Oui, et comme et mon grand-père non plus. Et c'est extrêmement intéressant parce que ma famille, du côté des deux côtés, ne perd pas leurs cheveux. Côté de ma mère, côté de mon père. Et les deux côtés ont des problèmes cardiaques et des problèmes de thrombose. Et étant donné que je me désassujettis de leur génétique, nécessairement, j'ai des caractères génétiques qu'ils n'ont pas. Mes frères non plus ne perdent pas leurs cheveux. Alors finalement, quand j'ai su pourquoi, parce que l'ego poussait un peu, alors l'ego est content. Plus il en perd, plus il se dit, parfait, tu te dégages des problèmes cardiaques et des problèmes coronaires. Alors, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent pour rien, mais finalement... En parlant d'inconscience, est-ce qu'il y a une inconscience supramentale ou il y a juste une conscience? Il y a de l'inconscience supramentale, oui. Il y a de l'inconscience supramentale. Qu'est-ce que c'est? C'est toute la conscience supramentale qui habite l'humain et qui n'est pas consciemment conscientisée par l'humain. Premièrement, il faut comprendre une chose. L'intelligence supramentale n'a pas de conscience. Elle n'est pas inconsciente, elle n'est pas consciente, elle n'a pas de conscience. Lorsqu'elle touche l'être humain, elle devient consciente dans l'être humain conscient et elle fait partie de l'inconscience supramentale dans l'être humain qui a une conscience, qui a un contact supramental, mais qui n'en a pas conscience. Autrement dit, 99% des habitants de la planète vivent d'un inconscient supramental qui dirige les dieux, qui dirige les archanges, qui dirige les extraterrestres planétaires, qui dirige la mécanique involutive évolutionnaire de la Les êtres humains vont dire, moi j'ai une conscience que Dieu existe. Mais Dieu est une illusion de l'inconscience supramentale. Donc finalement, ils ont une inconscience supramentale, ils ont un contact par personne ou par illusion interposée, ce qui engendre l'inconscience supramentale. L'humain est convaincu que la conscience s'arrête là, alors que c'est tout à fait une pinotte à travers l'arbre complet. Fait que la seule différence entre l'inconscience et la conscience supramentale, c'est l'humain. Le fait d'en être conscient ou pas. C'est l'humain. En tant qu'humain. Exactement. Donc c'est l'humain. Je reviens encore sur l'idée que la 99%, et ça, faites attention avec cela, parce que vos égos sont bâtis comme cela aussi, vous n'accepterez le 9 que s'il vous est amené sous un plateau de souffrance. Parce que l'ego refuse quelque chose qui lui est amené sur un autre plateau. L'ego va, par exemple, trouver génial que... ça dépend. Si ça parlait d'un autre monde, d'une autre galaxie, d'un autre temps, d'un autre espace-temps, et que c'est un paradis total, les égos veulent y aller. L'ego vise le bonheur. Sauf que lorsque l'humain qui vient t'amener les choses, dans le neuf, un humain qui ressemble à toi, qui vient de loin a beau mentir. Sauf que si moi j'arrive avec des vêtements qui me vont mieux et que je, disons, me déguise, pour que l'humain pense que je suis totalement extra-tout, tu veux extraterrestre, extra ce que tu voudras, nécessairement la majorité de tout ce que je vais dire va être accepté comme ça. La problématique, c'est que les humains ne comprendront pas, ils vont apprendre. Mais l'humain ne doit pas apprendre, l'humain doit comprendre. Pour que l'humain comprenne, on doit donc communiquer avec l'humain sur la même longueur d'onde que l'humain, sur le même palier que lui. Autrement dit, son voisin doit venir communiquer avec lui. Et là, l'humain va automatiquement refuser parce qu'il ne donnera pas suffisamment d'autorité, de crédibilité à cette chose qu'il appelle son voisin. Et là, l'humain doit travailler pour comprendre. Si moi, quand je fais des conférences à l'extérieur, ici, les individus ont un niveau de conscience qui est différent de la majorité de ceux que je rencontre lorsque je parle de la mécanique de l'enfant Teflon, qui est une diplomatisation de l'intelligence, ces personnages-là ont besoin que j'ai souffert pour qu'ils puissent comprendre mon cheminement. Parce qu'eux partent du principe que l'humain a des stress, que l'humain a des problèmes, que l'humain est fou, que l'humain est malade, que l'humain... Bon, la scientologie, elle part du principe que vous êtes tous fous. La religion part du principe que vous êtes tous pécheurs. La médecine part aussi du principe que vous êtes tous malades. Mais pouvons-nous avoir accès à quelque chose qui ne demande pas d'être malade, qui ne demande pas d'avoir souffert, d'être malheureux, d'être fou, d'être un pécheur, d'être un maudit? d'être une personne qui devra souffrir toute sa vie. Quand on a accès à une conscience supramentale, la conscience supramentale ne demande pas à l'humain de vivre ce genre d'évolution de l'animal relié aux archétypes. Et les égos, chaque égo sur la planète, s'attend énormément à ce que le neuf provienne par la souffrance. C'est pourquoi l'humain vit a tant d'espoir dans l'apocalypse d'un nouveau monde. Les extraterrestres, c'est le même phénomène. Il y aura une intervention qui va sauver l'humain. Il y aura une guerre, de la souffrance partout, il y aura. Et là, ils vont venir. Mais même s'il n'y a pas de guerre, pas d'apocalypse, ils viendront pas. Est-ce que ça veut dire que c'est l'ego seulement qui fait en sorte que quand on est en phase de conscientisation, on a de la merde partout? Uniquement l'ego. Si ça ne le dérangeait pas d'évoluer sans souffrance, on évoluerait sans souffrance. Exact. Regarde ceci, comment c'est simple et idiot. On est dans un avion présentement. Et l'avion a une panne de moteur. Deuxième moteur, troisième moteur, quatrième moteur, c'est réglé. Bon, on perd une aile, on perd la queue. Et là, on fait des sbires, on est en train de gagner le trophée des acrobaties aériennes avec un Boeing 747. Et puis on s'écrase en catastrophe, ou en douceur. On fait un écrasement en douceur s'il y a juste moins de morts. Et il y a un survivant. Et c'est arrivé, ça arrive fréquemment. Pas des loopings comme ça, mais ça arrive qu'il y a des survivants. Et les survivants ont un problème majeur. Ils se sentent coupables, ils saillissent. Ils doivent surmonter une phase qui est typique des survivants de naufrage, d'écrasement, de catastrophe collective. Pourquoi suis-je resté vivant, moi? Et c'est, il y a, en psychologie, c'est très connu, c'est fréquent, on doit thérapeutiser les gens. Vous dites qu'ils s'en veulent d'être vivants? Ils s'en veulent d'être vivants. Eux, pourquoi eux autres? Qu'est-ce qui... Bon, quelque chose. Alors que toi, tu dirais, pourtant, c'est tellement plus simple, t'es les survivants, Grimm, yeah! Non. Ils ont une phase extrêmement noire à passer psychologiquement pour parvenir à finir par se libérer de la culpabilité parce qu'ils se sentent coupables, eux. Bon, l'être humain, pourquoi l'être humain vit de la compassion? La compassion, c'est quelque chose que les spiritualistes veulent développer. Souffrir pour autrui. C'est que je me sens touché par ton problème. En réalité, je me sens coupable de ne pas avoir ton problème. Donc, je vais suppléer, je vais atténuer ma culpabilité en souffrant à ton problème. La personne qui se ramasse survivante d'un accident d'avion, elle a un maudit problème. Elle peut le solutionner en se suicidant. Elle ne peut pas souffrir pour les morts. Ils sont morts. Alors, on doit effectivement faire des thérapies. Trois femmes se promènent, trois hommes les agressent, deux se font violer, pas l'autre. Mais celle qui reste, qui s'est pas fait violer, elle va avoir bien plus de problèmes psychologiques que les deux qui sont fait violer. Pourquoi moi? Pourquoi moi non? C'est pas de la jalousie? Non. Le collectivisme de l'humain. C'est pas, t'as pas vu trois gars? Collectivisme de l'ego. T'es le seul qui se fait violer. Pourquoi moi? T'es le seul qui s'est pas violé. Pourquoi moi? Suis-je si laide? Suis-je ceci? Suis-je cela? De toute façon, tu vas souffrir. Lorsque la facilité arrive à l'humain, l'humain ne peut pas l'accepter. Elle doit souffrir. Comment la survivante de l'accident d'avion, la personne, va-t-elle être capable d'accepter qu'elle est vivante lorsqu'elle aura suffisamment souffert la culpabilité? Alors, à un moment donné, vous avez un contact avec un extraterrestre, ben vous dormirez pas pendant plusieurs années. À moins que le contact ait été bâti de façon à vous préparer à devenir une espèce d'avatar. Mais l'être humain qui a une conscientisation supramentale, comme je dis souvent, toi tu comprends des choses, oui, mais comment ça se fait que mon frère ou ma soeur ou mes parents, voilà, c'est la culpabilité. Pourquoi moi suis-je dans ma famille le seul? Parce que toi, tu dois être libéré du karma et ta famille mange les problèmes pour toi. Ils souffrent tous pour te permettre d'avancer. C'est mécanique, c'est logique. L'individu inconsciemment sachant que c'est de sa faute, si la gang est de même, ben il préférerait, il s'organise pour souffrir, pour baisser un peu, pour trop avancer vite. Mais si tu es en conscientisation, puis que la famille ne souffre pas, mais toi tu souffres. Tu souffres comment pas. Tu fais pour t'arranger pour transférer ça? Tu n'as pas à rien transférer. Tout ce que ton ego a à faire, c'est de cesser... Bon. L'ego doit cesser de... Pour développer la vraie conscience supramentale, on doit évidemment s'en égoïser, dissoudre l'ego. Et on va reparler de la négoïsation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ces derniers temps, qui disent « Ah, c'est un égoïsant, ah, je m'en égoïse. » En réalité, il s'égoïse. Bon, La conscience supramentale... Quand tu es conscient du fait que tu es un égoïste, tu t'en égoïses plus. Non, tu peux mentalement savoir que c'est un égoïste. C'est sûr que si tu voyages astralement, tu tripes sur la négoïsation, tu t'égoïses. Mais le problème n'est pas ça. Si je prends de l'eau et que je mouille tes pantalons, est-ce que c'est un égoïsant? C'est mouillant. Oui. Est-ce que c'est un égoïsant? L'individu dit « j'ai eu un accident, et c'était un égoïsant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Non, l'idée n'est pas là. L'idée de savoir, c'est que si je rose ton pantalon et que tu ne sécrètes pas, tu t'en égoïses. Si tu es en beau maudit, c'est égoïsant, c'est pas un égoïsant. Mais si tu es fier de ne pas sécréter, tu t'en égoïses pas non plus. Si tu es fier de ne pas sécréter, tu en égoïses une partie et tu égoïses l'autre partie. On va en reparler un peu. Mais l'individu, tous les mécanismes de la vie sont un égoïsant. Si le mental est là pour comprendre, pour contrôler, pour empêcher la sécrétion, on en a parlé dans plusieurs conférences, on va revenir cet automne, mais quand même, si le mental est là pour que tu constates, et c'est tout, tu sécrètes et tu te dis, bon, ça y est, ça sécrète, c'est l'ego, à l'instant où tu es capable de faire un discernement, à l'instant où ça ne vient plus... Ça ne vient plus diminuer ta capacité mentale de légiférer sur les choses. Légiférer veut dire analyser logiquement et non pas émotivement. Si tu es capable de légiférer et tu es capable de conserver ta consistance mentale, tu t'en égoïses. T'en égoïsant, tu développes une vraie conscience supramentale, une conscience supramentale qui n'est pas, qui sera de moins en moins souffrante, donc qui n'est pas souffrante. La vraie conscience supramentale ne demande pas à l'homme ce que les dieux ont toujours demandé à l'homme. La vraie conscience supramentale n'est pas souffrante, elle n'est pas malheurisante, elle n'est pas problématique. Tandis que la conscience supramentale conventionnelle, la fausse, celle l'illusion de la conscience supramentale, d'une conscience supramentale qui est encore méritoire. Quand, à un moment donné, la négoïsation devient mérite, moi, j'ai eu telle, telle chose, puis je me suis un égoïsant maudit. Non. Tu as vécu de l'ego à l'égoïsation. Tu t'égoïsais, négoïsais, égoïsais, négoïsais, égoïsais, négoïsais, pendant un laps de temps. Tu es plus égoïsé, un peu plus égoïsé, un peu moins égoïsé, ou pareil. La négoïsation est un phénomène initiatique. La négoïsation demande, et c'est la seule façon de développer une véritable conscience supramentale, la négoïsation demande une humilité réelle. L'humilité réelle, elle provient de l'inconscience de l'ego, du facteur anégoïsant, c'est-à-dire que l'ego ne sait pas qu'il est en train de s'anégoïser. Même si un individu est conscient qu'il s'anégoïse, si sa conscience de négoïsation reste uniquement au niveau du légiférateur, le mental, il y a une négoïsation. Conscientisation de la négoïsation, ça ne nuit pas. Et il se dirige vers une conscience supramentale réelle. Mais cette période-là peut être souffrante pour l'ego. Elle ne sera pas souffrante même pour l'ego. Elle peut être souffrante. Elle ne sera pas souffrante pour l'ego. Elle est souffrante pour l'ego si l'individu n'est pas capable, si la présence du mental de l'individu n'est pas suffisamment présent, si elle n'est pas suffisamment appuyée par l'ajusteur de pensée, autrement dit, si l'individu n'a pas totalement le contrôle de son ajusteur de pensée, si l'ajusteur de pensée n'est pas tellement décollé du canal réincarnationnel, si l'ajusteur de pensée n'est pas suffisamment opérationnel, l'individu n'aura pas suffisamment de présence mentale pour être capable de bloquer l'émotivisation de l'information provenant du mental. La vraie conscience supramentale est une conscience qui ne peut pas être raciste cutanée. Jaune, noir, bleu, brun, ça n'a rien à voir. C'est une conscience qui n'est pas raciste du point de vue de la forme. Que tu aies trois bras, pas de jambes, handicapé, extraterrestre, ça n'a rien à voir. C'est une conscience qui reconnaît l'intelligence à travers la matière. C'est une conscience qui englobe tout ce qui est inférieur à aller jusqu'à l'humain qui a la conscience. Autrement dit, c'est une conscience qui interdit, qui ne peut permettre. Ce n'est pas une interdiction réelle, c'est une prédigestion. C'est une conscience qui n'est pas conçue pour pouvoir haïr. Donc, c'est une conscience qui n'est pas conçue pour détester. C'est une conscience qui n'est pas conçue pour rejeter. C'est une conscience qui n'est pas conçue pour avoir peur. C'est une conscience qui n'est pas conçue pour fuir. C'est une conscience, donc, qui fait en sorte que l'humain ne peut pas dire « Les mormons, c'est tous des imbéciles. » Parce que dans sa structure de conscience, il sait quel est le rôle des mormons. Et il ne peut pas haïr quoi que ce soit sur le plan planétaire, parce qu'à l'instant où il en parle, il envoie la raison intelligente. C'est une vraie conscience supramentale, c'est une conscience qui interdit totalement l'amour psychologique, l'amour émotif, l'émotion que l'humain appelle l'amour, qui fait en sorte que finalement, il s'approche de l'intelligence d'amour, de l'amour intelligent. Il devra développer encore certaines petites formes pour arriver au plan bouddhique, le plan de l'amour. L'amour et la haine sont remplacés par quoi? L'amour et la haine sont remplacés par... Où est-ce qu'ils sont remplacés? Ben, ils sont remplacés, oui. C'est-à-dire qu'ils sont remplacés dans la relation qu'aura l'humain avec le plan planétaire. C'est-à-dire que l'humain, présentement, vit une relation, la conscience de l'homme, peu de conscience qui habite l'homme, vit une relation entre l'événement, la matière, les autres et lui, par ce qu'on appelle justement l'amour et la haine. Tout est basé sur ce phénomène. L'amour de Dieu, la haine de l'autre Dieu, l'amour de ton voisin, l'amour de l'argent, la haine du voisin, l'amour de ton char, la haine de ceci, la haine de cela, tout est basé sur la mécanique haine-amour. Pourquoi? Parce que c'est la relation, c'est la mécanique astrale, la seule mécanique utilisable présentement par l'animal humain, par la conscience, au travers de l'animal humain, pour arriver à avoir une relation avec l'extérieur, c'est ce qu'on appelle l'amour, la haine. Enfin, c'est le même phénomène. L'humain veut vivre l'amour, il veut fuir la haine, mais c'est une illusion totale qui entretient les deux. L'humain qui veut à tout prix fuir la haine, ah, la haine de la haine. Il est donc automatiquement pris. L'humain qui veut fuir l'amour, c'est la même chose. Il a l'amour de la haine, donc à part ça, ne peut pas fuir l'amour. C'est une dualité qui est totalement planétaire. C'est remplacé dans la mécanique de communication, à un moment donné, la conscience supramentale, la véritable conscience supramentale, c'est-à-dire l'esprit qui anime chaque individu, même si l'individu n'est pas encore suffisamment solide pour permettre une expression qui va laisser une trace dans son corps physique, trace que l'on va appeler trace dans la matière, c'est-à-dire une trace qui va permettre à la conscience de l'ego de savoir que maintenant il est en contact avec le Dieu, son seul maître, lui, l'être global. Maintenant, pour que l'intelligence puisse, à un moment donné, prendre le dessus sur la mécanique involutive-évolutive de l'animal humain, la souffrance, il doit désassujettir l'interpréteur événementiel, l'amour et la haine, pour le placer sur quelque chose d'autre qui, dans mes termes, s'appelle l'amour intelligent. Est-ce qu'on pourrait comparer l'amour intelligent au sentiment, à un sentiment au lieu d'une... Non. On peut, mais ce n'est pas exact. Amour intelligent, ça serait quoi la définition plus terrestre? Bon, okay. Juste pour parler du sentiment avant, parce que j'ai déjà dit à l'époque où je prédigérais un peu plus, que l'amour intelligent, c'était sentimentique, relié au sentiment, et que l'amour humain, c'était la mémoire du sentiment. L'exemple que j'avais donné, c'est que tu manges une pomme, la pomme devrait te nourrir. Si tu gardes la pomme dans ton système digestif et quand tu nostalgises les pommes, quand tu as le goût, tu te rappelles les pommes, eh bien tu ramènes la pomme dans ta bouche et tu le remastiques. C'est l'amour, c'est de l'émotivité. Bon. Le sentiment, c'est ce que tu vis dans l'instantané d'un événement. L'amour, qui finalement devient une émotion, c'est ce qui te permet de revivre le phénomène, et tu peux donc réaimer, revoir une personne parce qu'elle te rappelle ce qu'elle t'a fait vivre avant. Bon. C'est donc un ruminement. Tu rumines. L'amour est du ruminement. Il y a la haine lorsqu'à un moment donné, tu rumines des choses qui ne te tombent pas plus, ou encore lorsque l'individu qui te permet le ruminement décide de s'en aller au Bangladesh, tu ne la vois plus, elle te dit « je t'aime plus, je m'en vais, flung, elle s'en va », et là tu te rends compte que tu ne pourras plus la ruminer, tu ne pourras plus te nourrir, tu as beau prendre des photos, prendre ses vieilles lettres, mais à un moment donné, ça va engendrer la haine. On ne peut haïr quelque chose qu'on n'a pas aimé avant. Le meurtre passionnel, c'est quoi sinon? La haine sublime, suprême dans l'amour suprême. Maintenant, le sentiment, c'est la première interprétation d'un événement planétaire dans l'ajusteur de pensée qui va mener l'information événementielle, l'information planétaire à de la conscience. Normalement, la conscience va communiqué par le phénomène de l'amour et de la haine, c'est-à-dire que l'interpréteur événementiel, ce qui permet à l'événement, à la vie de l'humain, d'être codé pour, par l'ajusteur de pensée, parvenir à la conscience, était l'amour, la haine. L'intelligence, lorsqu'elle développe le plan mental, la conscience supramentale, lorsqu'elle développe le plan mental, elle n'a plus besoin de cette mécanique totalement archaïque. C'est aussi archaïque que le langage basic sur l'ordinateur, comparativement au langage de l'assembleur qui est le langage machine. Autrement dit, en une heure, sur le basic, tu vas pouvoir transférer un verre d'eau dans un autre verre d'eau, puis en langage machine, c'est presque instantané. Donc, l'amour, la haine, c'est un langage qui demande énormément d'interprétation avant d'être assimilable par la conscience. Et lorsque la conscience parle, ça doit être suffisamment prédigéré que finalement, quand ça arrive à l'être humain, pour comprendre simplement le style « aimez-vous les uns les autres », il doit le décoder pendant des milliers d'années. Par contre, au départ, c'est tellement banal. Mais pour que l'humain puisse arriver à digérer quelque chose, il doit cumuler des milliers d'années d'expérience, de décodage, pour finir par dire « Ah, c'est ça que ça voulait dire, maudit, c'était simple. » Bon. Et c'est souvent comme ça. Moi, je veux dire à l'humain certaines choses, c'est extrêmement facile, extrêmement simple, et puis après ça, je prends des heures à compliquer les choses, pour que l'humain se dise « Ah, ben, t'as envie de le dire au début. » Bon, voilà. L'intelligence qui a du cœur, ou l'amour intelligent, c'est un autre facteur, le sentiment, c'est ce qui décode l'événement, le transmet à l'amour-haine qui, par reconstruction, va l'amener à l'ajusteur de pensée, finalement à la conscience de l'humain. Le sentiment reste là, mais l'interpréteur événementiel va devenir quelque chose d'autre qui va être, dans le langage de l'humain, ça ressemble à de la logique. Mais ce n'est pas, c'est une logique humaine. C'est une logique non émotive, mais qui est capable de compréhension au-dehors de la mécanique qui normalement entraîne la logique. C'est-à-dire, et voilà, c'est extrêmement intéressant de me poser la question, je vais pouvoir répondre ça maintenant au détracteur. Je ne savais pas avant, évidemment. C'est que l'être humain qui est logique, quand on dit l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, celui qui a besoin d'un cadre neuf, celui qui est capable d'accepter du neuf, il est logique. Il a un amour intelligent. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est d'appliquer des choses écologiques. L'écologique, c'est la logifération du milieu dans lequel tu vis. C'est la science des conséquences. Et là, on dit, oui, mais ça veut dire ça qu'il ne pourra plus aimer, qu'il ne pourra plus... Ben non, effectivement, il ne pourra plus aimer comme l'humain aime. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, il le laisse libre. Et il est libre de ce qu'il aime. La logique que l'humain a, en face de laquelle l'humain a tellement peur, est une logique qui est exclusivement limitée à te servir d'une façon mathématique de l'expérience que tu as. Et ça, on en a peur. L'intelligence de l'homme nouveau, sa logique, est une logique qui n'est pas limitée à l'information amenée par le contexte planétaire. Elle est limitée, si on peut dire, par l'information amenée par le contexte de la galaxie, par l'intelligence supramentale, par la conscience supramentale. Donc, dans nos termes, on pourrait dire qu'elle est illimitée, enfin, par rapport à l'humain. Elle est illimitée par rapport à l'humain. Autrement dit, si je fonctionne logiquement, et c'est ce que l'humain a peur, on a un accident d'automobile, deux enfants qui se promènent en bicycle, et puis il y a votre enfant, puis il y a un voisin. Bon. Et là, il y a un automobile qui les frappe, paf, les deux tombent à terre. Vous êtes médecin. Vous approchez, le premier enfant que vous rencontrez, c'est le voisin. Le vôtre est plus loin. La logique fait que vous travaillez sur le premier que vous rencontrez. Et la logique émotive de l'humain, ou l'illogisme de l'humain, va faire en sorte qu'il va travailler sur celui qui émotivement le manipule le plus. Alors, il va passer par-dessus le voisin pour aller voir son enfant. Bon. Mais la logique de l'homme nouveau va faire en sorte qu'il va s'arrêter sur le premier des blessés qu'il rencontre. J'espère que si j'ai un accident puis je suis le deuxième, que ce ne sera pas un teflon qui va venir me sauver. Parce qu'il va te laisser là. Oui, c'est ça. C'est sûr que si un de tes enfants, il va commencer par me soigner si je suis le plus proche. Remarque que dans leur cas, il me soignerait peut-être même si je suis le plus loin. Mais en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la logique? La logique de l'humain, c'est une logique qui est mathématique en fonction de l'information. Moi, je dis, et dans les cours, par exemple, le secouriste, on va bel et bien apprendre que le premier blessé que vous rencontrez, vous vous arrêtez là. Il devient votre patient. Le deuxième secouriste ne s'arrête pas là. Lui passe au deuxième blessé. Et lentement, on va faire un tri. Toi, tu regardes ton blessé, tu évalues. Est-il en danger de mort? Premièrement, est-il mort? S'il est mort, c'est plus un problème. Il n'est pas en danger. Tu le laisses là, c'est un objet, c'est plus un humain. Non, la logique, secouriste n'est pas encore rendu là. Bon, excuse. Là, c'est une logique plutôt teflon. C'est plus un humain, c'est un objet. Tu peux même t'en servir comme oreiller pour appuyer les autres. Mais, non, c'est... Bon, on n'est pas encore rendu là au niveau de secouriste. On est rendu de transplantation, mais pas encore au niveau de ça. Bon. Alors, tu sais, il est mort, tu passes maintenant au deuxième. S'il y avait un deuxième secouriste, tu passes au troisième, s'il y a un troisième. Tu évalues. Est-il en train de mourir? Oui, il est en arrêt cardio-respiratoire. Est-ce que tu as l'équipement pour le sauver? Non, laisse-les mourir. Passe maintenant à l'autre. Ça ne sert à rien de travailler sur quelqu'un qui va mourir. Travaille sur ceux qui ont une hémorragie, par exemple. Et là, c'est une logique de secouriste qui est difficile, qui est très applicable par le secouriste, mais à peu près inapplicable par un secouriste qui rencontre quelqu'un de proche astralement dans les blessés. Bon. La logique de l'homme nouveau va faire en sorte que tu travailles, tu rencontres le premier, il est mort, tu passes au deuxième, il est mourant, tu n'as pas ce qu'il faut pour le conserver, tu l'abandonnes, tu ne souffres pas, c'est logique. Tu passes au troisième, c'est pas ton enfant, il est juste l'autre bord d'un enfant. T'as passé plein d'étapes, t'es rendu presque au tien, mais le petit maudit qui est en avant, il est sauvable, puis une hémorragie massive. Là, tu vois ton fils ou ta fille de l'autre côté qui a une hémorragie avec, mais t'as rien qu'une ceinture faire un garrot. La logique fait en sorte que tu prends ta ceinture et que tu fais, bon, prenons l'exemple d'un garrot, parce que le garrot, c'est pas nécessairement ce qu'il est mieux à faire, mais quand même, et tu fais un garrot au blessé, sur lequel tu es en train de travailler. Ta fille ou ton fils, s'il a vivre, va vivre. Fais-t'en pas. S'il a mourir, va mourir aussi. Bon. Et tu travailles dessus. C'est la logique de l'homme nouveau. Oui, mais une petite chose, tu vas voir l'idée. Ça va pas long. J'aurais de la misère à faire le nœud à celui-là, moi. Oui. S'il faut autour du cou, tu prends la l'autre. Ça, c'est... ça, c'est M. Tremblay qui m'oserait ça. Bon. Alors, donc, tu travailles sur ce blessé-là. Tu vas réduire l'hémorragie. Comme tu as appris au niveau du secouriste, tu, par exemple, c'est une jambe qui est plus ou moins sectionnée au niveau du fémur, donc il y a des artères massives là, et tu fais un bon garrot. Par la suite, tu passes voir ton fils ou ta fille, et il est mourant. Et c'est une addition de logique. C'est extrêmement intéressant parce que l'humain, il est très, très, très ramassé, motivé. Mais là, depuis le temps que tu niaises au premier, deuxième, troisième, il est en train de mourir. Voilà, là, il est mourant. Et là, si tu es logique, convenablement, la question se pose, il est mourant. Est-ce que j'ai plus de chances de sauver le voisin? Parce que peut-être tu retournes au voisin maintenant. Ou si tu as des possibilités de sauver ton enfant. On parle de logique, logique. C'est une logique totalement supramentale. Celui qui est dans la conscience supramentale fonctionne comme je viens de le faire. Mais il y a une nuance qui va échapper à l'humain. À un moment donné, moi ou toi, ou un de tes fils par exemple, traverse tout le monde. Par exemple, te rencontre toi, tu es avant l'autre blessé. Mais ton fils, le petit maudit, t'enjambe et va sauver l'autre. Après, il vient t'aider. Et là, tu lui dis, il me semble que, premièrement, émotivement, tu aurais dû t'arrêter à moi. Donc, tiens, c'est intéressant. Donc, il se pose une question. Tu lui poses la question. Lui va te répondre, non, c'était plus logique d'aller sauver l'autre. Alors toi, tu lui dis, oui, mais la logique humaine, la logique mathématique fait que le premier blessé que tu rencontres, tu commences par l'évaluer. Lui, te répond, oui, mais l'autre était plus intelligent que toi. Là, tu vas dire, il n'a pas pris ça son cours de secourir certain. Non. C'est ça qu'il y a. C'est que la logique de l'intelligence est une logique qui est capable de transcender un paquet d'illogismes qui apparaîtraient logiques à lui-même. La logique supramentale est un illogisme. Un homme posait une question, pourquoi j'avais apparemment risqué la vie de mon corps pour descendre dans une espèce d'immense trou, une carrière, pour aller sauver un enfant. Personne ne pouvait descendre, enfin, il aurait fallu avoir une grue. La grue, on ne l'a pas eue, c'est une échelle de pompier, finalement, on attache une corde d'après pour monter la civière, filtrer une civière qui va sur les ambulances, l'embarquer, etc. Les gens qui vont sur les hélicoptères, les ambulances, on voit ça. Bon, là, on descend avec la corde, etc., on arrive en bas. Où est la logique là-dedans? J'ai le même salaire, j'ai ici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est ça qui est la nuance. C'est qu'un être humain va dire, est-ce que, bon, prenons qu'on, mettons qu'on m'interviewerait sur les lieux même. Monsieur Kem, est-ce que vous souffrez de voir cela? Non. Ça vous touche pas de voir un enfant de 14 ans dans le trou en bas, puis il bouge pas, puis il saigne? Non. Ah, et donc, vous ferez rien? Non, ça n'a rien à voir. Ah, parce que c'est votre métier. Tu ne mens pas. Il n'y a aucun ambulancier ici qui est équipé, qui est supposé faire de l'escalade en ville. Non. Alors, pourquoi vous le faites? Parce que c'est logique. Et là, si on me demande, oui, mais là, on comprend pas, là. C'est logique, c'est ça vous touche pas, ça vous fait rien. Normalement, moi, si ça me touche pas, puis ça me fait rien, ben je m'en fous. Et c'est souvent, je l'explique aux séminaristes, vous devez apprendre, vous devez finir par être capable de vous foutre de tout. Mais pas comme lui-même le fait. Et c'est là le problème. Ça veut dire quoi, se foutre de tout? Et c'est pas souffrir, mon affaire. Moi, je ne souffre pas partout. Si je commence à descendre, puis la corde la casse, puis je me tue, je souffre même pas. Peut-être le corps physique, bon, OK. Mais c'est pas... Sinon, c'est logique d'y aller. Pourquoi? Parce que, premièrement, il mérite d'être sauvé. Qu'est-ce que tu en sais? C'est évident. Puis si tu le sais pas qu'il mérite d'être sauvé, tu pourras jamais comprendre ce que je vais te dire. Parlons-en pas. Bon. Il y a... C'est une logique. Et là, l'humain qui, souvent, quand je faisais des émissions de radio, on me disait tout le temps, oui, mais l'homme nouveau, finalement, c'est un maudit danger. S'il devient totalement logique, il n'aidera plus personne. C'est pas la logique de l'humain. Et ça, la nuance. Alors là, c'est l'humain qui essaie de comprendre c'est quoi cette maudite logique-là, la véritable conscience supramentale, quel genre de logique elle amène. J'ai un de mes amis dernièrement qui fait partie d'un groupe, qu'on appelle le groupe des chefs, on s'entraîne régulièrement, et on parlait justement de ce genre de logique, et il était sur un accident automobile, il est arrêté, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme métier, parce que son métier l'oblige à être en service 24 heures sur 24, et puis il sort de son automobile, il va voir le bonhomme est un peu tout croche, puis effectivement, il a besoin d'aide. Il dit, ce sera pas long, j'appelle de l'aide, puis je viens t'aider. Il rentre dans son automobile, puis là, il se dit, crime, j'ai pas de temps à perdre là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis il est parti. Bon. Et là, après, lui, on a dit qu'il venait l'aider. Bon. C'est comme pire. Ben, c'était pour la faire patienter avant de mourir. Non, ça crée de la négociation. Mais, c'est pas ça l'idée. C'est qu'il y a quelqu'un qui observe ça et dit, si c'est ça, les hommes nouveaux, puis les femmes nouvelles, où est-ce qu'on s'en va? Mais la logique qui anime celui qui a une conscience supramentale n'est pas une logique qui peut être comprise par la logique de l'humain. Ben là, c'était quoi la logique pour lui de partir et de laisser là? Quand tu viens de dire que tu vas venir le sauver? C'est qu'il venait... Oublions ça, même sans y avoir dit ou pas, c'est pas important. Mais de l'aider ou de ne pas l'aider. Quelle est la logique de ne pas l'aider? La logique de ne pas l'aider, c'est que la première chose, la première personne, le premier corps physique que tu dois aider, c'est toi. Comme il venait justement de subir une instruction d'ego, comme quoi il devait finir par accepter la valeur d'être humain qu'il était, et qu'il n'avait plus de temps à perdre à des bagatelles avec les autres, l'événement était là uniquement, lui, parce que l'ambulance arrive en arrière, il ne l'a pas vu, l'événement, lui, est arrêté là uniquement pour que l'astral puisse le récupérer. Mais il a été mentalement suffisamment contrôlé par son agisseur de pensée, on pourrait dire suffisamment puissant, pour cette fois-ci dire « Hey, non, c'est pas ça, virer de bord, malgré tout ce qui est le chemin qu'il avait fait, puis s'en aller. » La prochaine fois, tu vas le voir descendre, peut-être, porter secours, tu vas dire « Je comprends plus. » À un moment donné, il va pas, là, il va, là, c'est le temps. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que la logique de la conscience supramentale n'est pas compréhensible par l'émotivité de l'humain. Vous ne souffrez pas? Non. Pourquoi vous intervenez? Et la logique de la conscience supramentale n'est pas non plus compréhensible par la logique de l'humain. Autrement dit, pour simplifier, la logique de la conscience supramentale n'est pas compréhensible par l'humain. Ni par l'émotivité, ni par la logique de l'humain. C'est une logique qui... Pourquoi? Parce que la logique de l'humain est limitée par les paramètres, par l'information, par les données. Et il lui manque énormément de données. Donc, la véritable conscience supramentale, on va encore en reparler évidemment, les heures sont de plus en plus courtes. La véritable conscience supramentale, elle ne peut être comprise par un humain qui n'est pas conscient de ça. On va savoir un peu plus long la deuxième partie. Les cassettes sont disponibles. N'oubliez pas que le séminaire sera le prochain, le 5 et le 6 août. Ceux qui ont l'intention d'y aller, vous êtes préférable de réserver.